Bienvenue à tous, prêts pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde spirituel de l'archange Jophiel. Ah, Jophiel. On va suivre le récit fascinant de Séraphina. Exactement. C'est une exploratrice spirituelle. Son histoire, c'est comme un voyage à travers ses yeux. On va explorer l'influence de Jophiel à travers les cultures et le temps. Oui, on va rencontrer plein de personnages intrigants en chemin. Un professeur romain, une artiste, même un maître zen au Japon, vous imaginez. Incroyable. Tout commence en Toscane. Séraphina décrit un matin ensoleillé les oliviers, une atmosphère paisible. Typique de la Toscane. Oui, mais soudain tout change. L'atmosphère devient électrique, la lumière prend une teinte dorée, presque surnaturelle. Et là, une voix murmurante lui révèle le nom Jophiel. Fascinant, cette lumière dorée, c'est un élément clé dans les récits de Jophiel. Oui, elle symbolise l'illumination. Du monde extérieur, mais aussi intérieur. Intéressant. Ensuite, Séraphina se retrouve au Vatican, un lieu déjà chargé de sens, mais qui prend une toute nouvelle dimension après sa rencontre avec Jophiel. Un lieu rempli d'art et d'histoire. Exactement. Elle décrit la chapelle Sixtine. L'interaction de la lumière et de l'art devient une révélation pour elle, une fenêtre sur le divin. C'est comme si Jophiel lui avait donné une nouvelle paire de lunettes. Elle voit la beauté spirituelle qui était là depuis toujours. C'est ça. Après le Vatican, elle rencontre Dimitri, un professeur romain, spécialiste des textes anciens. Dimitri ! Oui. Il lui parle du rôle de Jophiel dans le Jardin d'Éden. Ah, le Jardin d'Éden. Dimitri voit Jophiel comme un guide, pas un punisseur. Il aide Adam et Ève à grandir et à évoluer, même si ça implique de quitter le paradis. C'est une perspective intéressante. On voit souvent Jophiel comme une figure stricte, mais là, il est présenté comme un accompagnateur. Exactement. On passe ensuite à Elena, une artiste romaine. Elle se réveille un matin et son studio est baigné d'une lumière dorée incroyable. Une lumière dorée encore. Oui. Et ce n'est pas une hallucination. Ses voisins ont vu la même chose. Cette expérience transforme son art. Elle arrive maintenant à capturer la lumière intérieure des choses. Incroyable. On voit que la présence de Jophiel a un effet profond sur la créativité, sur la façon dont on perçoit et exprime la beauté. Oui, c'est fascinant. Et devinez où Séraphina va ensuite. Au Japon. Bingo. Elle rencontre Maître Akira, un maître zen dans un jardin paisible à Kyoto. Le contraste est saisissant. Ah oui, on passe de l'agitation de la ville à la sérénité du jardin. Maître Akira Yuakira lui enseigne que la beauté se trouve dans l'imperfection, dans l'harmonie des contraires. C'est une idée qui résonne dans beaucoup de traditions spirituelles, pas seulement le zen. C'est vrai. Et pendant une méditation guidée, ils respirent ensemble la lumière dorée de Jophiel et la partagent avec le monde. Une belle image. On ne fait pas que recevoir passivement, on devient un canal pour cette lumière. Exactement. Et c'est là que le message de Séraphina devient vraiment universel. La beauté divine de Jophiel est en chacun de nous. Il suffit de la reconnaître et de la laisser rayonner. C'est une invitation à voir le monde et nous-mêmes sous un nouveau jour. Absolument. Maintenant, on va plonger directement dans le récit de Séraphina. On va écouter des extraits de son interview avec un journaliste. Ah oui, entendre ces mots, c'est vraiment puissant. Exactement. On va commencer par sa première rencontre avec Jophiel, en Toscane. Elle décrit les oliviers, le soleil du matin. On sent vraiment l'atmosphère, les odeurs, les couleurs. Oui, elle utilise des mots très évocateurs. Et puis soudain, cette sensation de changement. L'atmosphère devient électrique. Comme une énergie nouvelle qui arrive. Exactement. Et cette lumière dorée. Encore cette lumière dorée. Oui, c'est un élément récurrent dans son histoire. Une lumière qui symbolise la présence de Jophiel. Fascinant. Et puis, cette voix murmurante qui prononce le nom Jophiel. Simple, mais puissant. Ce qui est intéressant, c'est que cette expérience se passe dans un endroit ordinaire. Elle n'est pas dans un temple, elle est juste dans la campagne. C'est vrai. Et ça montre que le divin peut se manifester n'importe où, n'importe quand. Exactement. On passe ensuite à sa visite au Vatican. Un lieu déjà chargé de sens pour elle, mais qui prend une dimension encore plus profonde après sa rencontre avec Jophiel. Elle voit les fresques, les sculptures, avec un regard nouveau. Comme si un voile avait été levé, elle mentionne la chapelle Sixtine, la lumière qui traverse les vitraux. Elle ressent une connexion spirituelle à travers l'art. Oui, c'est comme si l'art était devenu une fenêtre sur le divin pour elle. C'est une belle image. Ensuite, on a le professeur Dimitri, spécialiste des textes anciens. Dimitri ? Oui, il offre une nouvelle perspective sur le rôle de Jophiel dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden. Il ne le voit pas comme un punisseur, mais plutôt comme un guide qui accompagne Adam et Ève vers un nouveau chapitre de leur vie. Il souligne que quitter le paradis, le confort, peut être nécessaire pour grandir et évoluer. C'est une interprétation intéressante. Oui, on voit que le récit de Jophiel peut être interprété de différentes manières. Exactement. Et puis, il y a Elena, l'artiste. Ah oui, son histoire est incroyable. Se réveiller un matin et trouver son studio baigné de lumière dorée. On dirait une scène mystique. Et ce n'est pas d'une hallucination. Ses voisins ont vu la même chose. C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste une expérience subjective, c'est un phénomène tangible. Et cette expérience transforme son art. Elle commence à peindre la lumière intérieure des choses. Comme si Jophiel avait déverrouillé une nouvelle façon de percevoir la beauté. On voit encore l'impact de Jophiel sur la créativité. Exactement. On voyage ensuite avec Serafina au Japon. Le Japon. Oui, elle rencontre Maître Akira, un maître zen, dans un jardin paisible à Kyoto. Un contraste saisissant avec l'agitation de la ville. Oui, le jardin zen invite à la contemplation, à la recherche d'harmonie. Et Maître Akira lui enseigne l'importance de la beauté dans l'imperfection, dans l'harmonie des contraires. C'est une idée universelle qui transcende les cultures. C'est vrai. Et pendant une méditation guidée, il respire la lumière dorée de Jophiel et la partage avec le monde. C'est une belle image. On devient un canal pour cette lumière. On participe à sa diffusion. Exactement. Et c'est là que le message de Serafina prend tout son sens. Jophiel n'est pas une figure lointaine, inaccessible. On peut tous se connecter à cette énergie, à cette beauté divine. C'est une invitation à voir le monde et nous-mêmes avec un regard nouveau. Maintenant, on va écouter un extrait de l'interview de Serafina. Elle décrit sa première rencontre avec Jophiel en Toscane. Alors, on a voyagé de la Toscane au Vatican, puis jusqu'au Japon. On a exploré l'art, les textes anciens, la méditation. Un vrai voyage spirituel. Oui. Mais au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Comment appliquer l'histoire de Serafina dans nos vies? C'est la grande question, hein? On est tous fascinés par ces expériences mystiques, mais comment les traduire en actions concrètes? C'est ça. On se dit, ok, je veux bien voir le monde avec les yeux de Jophiel. Mais comment je fais? Serafina nous donne des pistes. Souvenez-vous de Maître Akira dans le jardin zen. Il parlait de trouver la beauté dans l'imperfection, dans l'harmonie. Et cette idée de respirer la lumière de Jophiel et de la partager avec le monde. Exactement. Ce sont des choses qu'on peut essayer. Déjà, il faut être attentif à la beauté qui nous entoure, même dans les petites choses. Prendre le temps d'observer et d'apprécier. Oui, la lumière du soleil sur les feuilles, les couleurs d'un coucher de soleil. Des choses simples, mais magnifiques. Et puis, il y a l'intention. Inviter Jophiel dans nos vies, comme l'a fait Serafina. Inviter un archange, c'est possible. Je dirais plutôt qu'il faut s'ouvrir à cette possibilité. Créer un espace intérieur pour que cette connexion puisse se produire. D'accord. Donc ce n'est pas une question de forcer les choses, mais d'être réceptif. Voilà. Cultiver une ouverture d'esprit, une sensibilité à la beauté, à l'énergie divine. Et Jophiel est aussi lié à la créativité, à l'inspiration. Ah oui. L'art est un excellent moyen de se connecter à cette énergie. Peinture, musique, écriture. Trouver sa propre façon de s'exprimer, de laisser jaillir la beauté qui est en nous. Exactement. Au fond, le message de Serafina, c'est que la beauté divine est accessible à tous. Pas besoin d'être un mystique ou un artiste pour la ressentir. C'est ça. Il suffit d'ouvrir son cœur et ses yeux. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette exploration? Moi, je retiens l'importance de la perception. On peut transformer notre réalité en changeant notre façon de voir les choses. C'est une belle conclusion. Merci d'avoir suivi cette plongée avec nous. Merci à vous. Et à bientôt pour de nouvelles explorations.